Deutéronome chapitre 20 Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chariots, et un peuple plus grand que toi, n'aie point peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter hors du pays d'Égypte, est avec toi. Et quand il faudra s'approcher pour combattre, le sacrificateur s'avancera, et parlera au peuple, et leur dira, Écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis, que votre cœur ne soit point lâche, ne craignez point, ne soyez point épouvantés, ne soyez point effrayés à cause d'eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, et pour vous conserver. Alors les officiers parleront au peuple, en disant, Qui est celui qui a bâti une maison neuve, et ne l'a point dédiée, qu'il s'en aille, et s'en retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure en la bataille, et qu'un autre ne la dédie. Et qui est celui qui a planté une vigne, et n'en a point encore cueilli le fruit, qu'il s'en aille, et s'en retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure en la bataille, et qu'un autre n'en cueille le fruit. Et qui est celui qui a fiancé une femme, et ne l'a point épousée, qu'il s'en aille, et s'en retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure en la bataille, et qu'un autre ne l'épouse. Et les officiers continueront à parler au peuple, et diront, Si quelqu'un est timide et lâche, qu'il s'en aille, et s'en retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. Et aussitôt que les officiers auront achevé de parler au peuple, ils rangeront les chefs des bandes à la tête de chaque troupe. Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu lui présenteras la paix. Et si elle te fait une réponse de paix, et t'ouvre les portes, tout le peuple qui sera trouvé dedans, te sera tributaire, et sujet. Mais si elle ne traite pas avec toi, et qu'elle fasse la guerre contre toi, alors tu mettras le siège contre elle. Et quand l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu feras passer au fil de l'épée tous les hommes qui s'y trouveront réservant seulement les femmes, et les petits-enfants. Et quant aux bêtes, et tout ce qui sera dans la ville, savoir tout son butin, tu le pilleras pour toi, et tu mangeras le butin de tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Tu en feras ainsi à toutes les villes qui sont fort éloignées de toi, lesquelles ne sont point des villes de ces nations-ci, mais tu ne laisseras vivre personne, qui soit des villes de ces peuples que l'Éternel, ton Dieu te donne en héritage. Car tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l'interdit, savoir les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Afin qu'ils ne vous apprennent point à faire selon toutes les abominations qu'ils ont faites à leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Quand tu tiendras une ville assiégée durant plusieurs jours, en la battant pour la prendre, tu ne détruiras point ses arbres à coups de cognée, parce que tu en pourras manger, c'est pourquoi tu ne les couperas point, car l'arbre des champs est-il un homme, pour entrer dans la forteresse. Mais seulement tu détruiras et tu couperas les arbres que tu connaîtras, n'être point des arbres fruitiers, et tu en bâtiras des forts contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle soit subjuguée.